L'offre de remboursement de SFR débarque chez Monsieur Comte de Noël. Il était une fois mon mobile et moi. Par une belle journée, je me rendis chez SFR et là, 500 euros remboursés. Mon ancien mobile devint alors flambant neuf. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 13 janvier, profitez de jusqu'à 500 euros de remise sur un nouveau mobile. Soit jusqu'à 400 euros en rapportant votre ancien mobile en magasin, plus 100 euros remboursés sur demande. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition, montant de la reprise variant selon le mobile éligible acheté. 100 euros remboursés pour la souscription d'un forfait 60 gigas et plus avec engagement 24 mois. Détails sur sfr.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, histoire d'une indépendance. Pas seulement d'un pays, non, celle d'une combattante, Djamila Bouhired, personnage central de notre quatrième émission de la semaine sur les combats des femmes. En France, Djamila Bouhired est un souvenir. La guerre d'Algérie, la bataille d'Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, elle est une héroïne, dont l'aura est si forte d'ailleurs que le silence qu'elle s'impose depuis 1962 n'affaiblit en rien sa place dans l'imaginaire algérien. Son histoire est réellement une affaire sensible, tant le mythe a parfois supplanté le réel. Parler de cette femme et de ses combats, en effet, c'est évoquer des tabous, celui de la violence, du terrorisme, de la torture. C'est parler de la guerre d'Algérie sans détour, ce conflit qui ne voulait pas dire son nom à l'époque. On parlait des événements d'Algérie. Cette guerre d'indépendance sera pour Djamila Bouhired un avènement. Notre invitée aujourd'hui, la journaliste essayiste Gania Moufok, en direct d'Alger. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Chaque vendredi, depuis des mois, des Algériens manifestent dans les rues. Ils rêvent de démocratie. Comme souvent en cette époque numérique, c'est sur les réseaux sociaux que l'étincelle est née. Ni leader, ni parti, juste un mot d'ordre posté par un inconnu, non à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le premier vendredi, le 22 février de cette année donc, ils étaient déjà des centaines de milliers à braver l'interdiction de manifester. Parmi eux, beaucoup de jeunes. Nés durant la décennie noire, cette génération n'a connu l'incarnation de la République algérienne que Bouteflika. Dans ces conditions, la perspective d'un cinquième mandat du président malade passe mal, très mal. Dans la foule des manifestants, un journaliste du Point note cette phrase d'une Algéroise, des sanglots dans les voix, elle dit « Nous, Algériens, si fiers, sommes devenus la risée de la planète ». En effet, depuis son AVC en 2013, le président algérien n'est plus qu'une image qu'on présente de temps en temps au peuple. En Algérie, République et démocratie ne vont pas de pair. La presse y est contrôlée, les élections pipées, l'opposition sur la touche. Ce 22 février, les manifestants se sont souvenus qu'Alger était nommé il y a bien longtemps la Mecque des révolutionnaires. Le vendredi 1er mars, cette mémoire prend presque corps. Alors que de nouveau des centaines de milliers d'Algérois et Algéroises investissent la capitale, vers la rue Didouche Mourad, pas très loin du monument en mémoire de Maurice Audin, au cœur de la foule, une rumeur s'élève. Djamila, Djamila, Djamila est là. Des paroles, puis des tweets et des images. Vers 14h, sur les réseaux sociaux, les internautes algériens comme étrangers découvrent ainsi le visage de cette femme. Un manteau noir, une écharpe marron, des lunettes au vert fumé. À 84 ans, l'ancienne icône ne fait pas son âge. Madame Bouhired marche ainsi aux côtés des manifestants, une heure durant. Selfie, chant, embrassade, mais aussi interview se succèdent. À un journaliste d'El Watan, Djamila Bouhired déclare « Je veux marcher avec mon peuple pour notre dignité. C'est une seconde indépendance qui est en marche. » Le mot est lâché. Indépendance. La première fois que Djamila Bouhired marche en son nom, l'indépendance, c'est en mai 1956, le 19. Ce jour-là, l'Union des étudiants musulmans algériens lance une grève illimitée afin d'apporter son soutien à la cause indépendantiste. Djamila Bouhired, âgée de 21 ans, y participe. Ainsi, tout a commencé pour elle, par la rue. 1956 est une année charnière dans le conflit algérien. Jusqu'au printemps, la guerre se limite à des combats dans le Djebel, à des embuscades, à la pacification, comme disent les autorités françaises. Pour faire face à cette insurrection lancée le 1er novembre 1954, Paris fait le choix de la force. Ratissage, exécution, camp d'internement, napalm. À Paris, les heurts dans le département algérien intéressent finalement assez peu. Les événements, selon la formule consacrée, ne font pas encore la une. Enfin, à peine. En novembre 1955, l'Assemblée nationale est dissoute. Deux mois après, le Front républicain gagne les élections. Le socialiste Guy Bollé est nommé président du Conseil. De cette victoire naît une crainte chez les Français d'Algérie, l'abandon des départements algériens. Le 6 février 1956, la peur devient révolte. Lors d'une manifestation qu'on appellera plus tard la journée des tomates, des milliers de partisans de l'Algérie française conspuent Guy Bollé et sa politique. Le gouvernement cède. Les Européens d'Alger souhaitent de l'ordre. Guy Bollé s'exécute. Il nomme Robert Lacoste ministre résident. De nouveaux effectifs militaires sont envoyés. De nouvelles lois sont imaginées. Le 12 mars, le Parlement vote massivement en faveur des pouvoirs spéciaux, communistes compris. L'article 5 précise en outre que le gouvernement disposera des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire. Trois zones sont constituées, zone de pacification, zone d'opération et zone interdite où évoluent trois corps d'armée spécifiques. L'objectif est clair, écraser les rebelles. L'ordre doit régner. La politique de répression s'accentue quand, le 19 juin 1956, le gouvernement français exécute les premiers combattants indépendantistes. Dans les rangs du FLN, c'est la stupeur. Pour l'État français, les indépendantistes ne sont que des terroristes. Alors, dans chaque camp, la violence s'aggrave. Et le 21 juin, le FLN lance le mot d'ordre suivant. Descendez n'importe quel Européen de 18 à 54 ans. Pas d'enfants, pas de femmes, pas de vieux. Chaque jour, les informations annoncent de nouveaux morts. La guerre s'infiltre dans les villes. Ici Alger, RTF. Nous avions annoncé hier soir à 19h15, en dressant le triste bilan des exactions terroristes à Alger, 6 attentats, 4 morts et 6 blessés. Mais la tragique série devait reprendre vers 20h30 dans Babelouette. Ici Alger, RTF. L'attentat de la Robert Sceau dans le Constantinois, où un militaire français et 16 civils musulmans ont trouvé la mort, l'incendie d'une ferme à la Morissière, le harcèlement cette nuit du petit village de Stora près de Philippeville, le meurtre d'un boulanger musulman à Boufarik. Ici Alger, RTF. En moins de 24 heures, 4 incendies ont été allumés dans des propriétés et des garages dans la banlieue d'Alger et dans la ville même. Le procédé n'est pas seulement appliqué à Alger, puisque les journaux de ce matin ont publié les photos de la fond de verre. À la mitraillette, au pistolet, à l'arme blanche, des dizaines d'Européens tombent au nom de l'indépendance. Le 10 août, Alger s'enfonce un peu plus dans la guerre. En pleine casbah, une bombe explose. Des façades des numéros 8, 9, 10 et 12 de la rue de Thèbes, il ne reste rien, juste un cratère. Sous les gravats, des membres déchiquetés, des lambeaux de chair. L'odeur de sang se mélange à celui de la poudre et de la poussière. Le lendemain, la presse avance un bilan de 15 morts. Aujourd'hui, les estimations les plus hautes parlent de 60 morts. L'attentat est revendiqué par le comité anti-républicain des 40. Un titre énigmatique derrière lequel se cachent des responsables policiers et un ex-sous-préfet André Achaeri. Des ultras de l'Algérie française. Ils sont rapidement identifiés par les autorités, mais aucun n'est inquiété. La justice française semble avoir choisi son camp. Djamila Bouhired dormait-elle dans les rues de la Casbah ce 10 août 1956? Sans doute. Née en 1935, elle est une enfant de ces petites rues où vivent les Français musulmans, anciens indigènes qui, pour la République, demeurent des citoyens de seconde zone. Jamila Bouyred est la fille d'une famille modeste, l'aînée de cinq frères. C'est son oncle Mustapha qui l'aurait fait entrer au FLN. Au sein du Front de Libération Nationale, elle est alors agent de liaison et recruteuse. C'est elle, notamment, qui enrôle la combattante Zora Drift. Dans le film « L'avocat de la terreur » de Barbet Schroeder, Zora se souvient d'une soirée passée avec Jamila durant cet été 56. Alors nous, on le voit, la bataille de l'eau lourde. On dit, il faut qu'on voit ce film. Et on a décidé d'aller au cinéma. Et quand on sort, il faisait nuit. Toute la partie européenne de la ville, c'est-à-dire là où nous sommes, etc., on sort, la ville était grouillante, illuminée, les gens heureux. Mais alors, quand on est rentré dans la Casbah pour arriver chez Jamila, chut, on galopait parce qu'il n'y avait personne. C'était le silence, le désert. Et Jamila rentre, tu sais, elle s'essuie les yeux en disant « Les salauds, les pourris, mais c'est toujours la même chose, c'est la guerre. Et finalement, la guerre, il n'y a que nous qui la vivons. Chez nous, c'est la mort. Chez nous, c'est les nuits d'attente et les nuits de peur et les nuits de torture, parce qu'ils torturent. Eh bien, et eux vivent. » La bombe de la rue Thèbes va changer leur vie et celle du conflit. En effet, l'usage de bombes à effet massif ne reste pas longtemps le seul fait des ultras de l'Algérie française. Le 30 septembre 1956, et pour la première fois, le FLN en fait usage. Ce jour-là, Jamila est accompagnée de deux autres jeunes femmes, Zora Drift et Samia Larkadi. On leur a demandé d'attendre dans une chambre du numéro 5 de l'impasse de Grenade. Vers 15h30, Yassef Safi, responsable militaire FLN de la zone autonome d'Alger, les informe de leur mission. Trois bombes, trois cibles. Le minibar, la cafétéria et le terminal d'Air France dans l'immeuble Mauretania. Trois horaires, 18h25, 18h30, 18h35. Chacune des bombes est placée dans un sac de plage sous une serviette. L'une après l'autre, Jamila, Zora et Samia quittent l'impasse. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, les quartiers à majorité français et musulmans sont quadrillés, contrôlés, placés sous surveillance. Aux portes de la vieille ville, les barbelés et les barrages bloquent les embouchures des rues. On arrête de façon arbitraire, on humilie de façon quotidienne. La ville est coupée en deux. Pour entrer dans l'espace dit européen, il faut montrer patte blanche. Jamila, Samia et Zora sont jeunes, parlent français, s'habillent à l'européenne, aucune n'est interpellée. La suite de cette journée, Jamila Bouyred la raconte dans l'un des rares entretiens qu'elle a accordé à Jamila Amran, autrice du livre « Les femmes algériennes dans la guerre ». Samia et moi avons donc transporté de la Casbah à Bal El Oued, où elle devait être réglée, trois bombes. Là, nous avons retrouvé Zo, qui à l'époque ne connaissait pas encore le refuge de la Casbah. Nous avons déposé chacune une bombe. Et à l'heure prévue, il y a eu deux explosions. Une des trois bombes, défectueuse, n'a pas explosé. Mais les deux autres bombes font leur œuvre, meurtrières. Le Mikbar, comme la cafétéria, était bondé. C'était le rendez-vous de la fin d'après-midi. Un verre pour les jeunes gens, une glace pour les enfants, une pause pour les plus anciens. Le bilan s'élève entre 2 et 4 morts et des dizaines de blessés aux vies anéanties. Des Européens, des Algériens sans doute aussi. Dans les articles des jours suivants, les survivants se souviennent du sang qui recouvrait les marbres blancs des parois, des corps aux membres sectionnés. Parmi eux, beaucoup d'enfants, dont Daniel Michel Chiche, alors âgé de 5 ans. Ce 30 septembre, elle perd une jambe. Sa grand-mère qui l'accompagnait succombe. Des décennies plus tard, elle publiera un livre intitulé « Lettre à Zora II ». La terreur des bombes face à la terreur de l'état colonial est-elle justifiée? Dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon théorise la violence révolutionnaire et indépendantiste. Cette violence est pour lui la seule et dernière arme de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Dans le livre de Jamila Amran, Jamila Bouyred évoque le poids des morts et les raisons de son combat. J'ai été bouleversée. Pour moi, il devait y avoir des objectifs plus valables. Pourtant, j'ai accepté. C'était la guerre. Nous n'avions pas toujours les moyens de choisir nos cibles. Mais au fond de moi-même, lorsque c'était des endroits où il y avait le simple petit pied noir, j'avais eu des amis parmi eux. J'avais un problème de conscience. Mais nous vivions dans une atmosphère dure. Il y avait eu la bombe de la rue de Thèbes, il y avait les exécutions. Après cette journée de 30 septembre 1956, Djamila Bouguerra ne posera plus jamais de bombe. Non, elle devient l'agent de liaison du chef militaire FLN de la zone, Yassef Saadi. Combattante d'une guerre sans front, sans visage, elle passe d'une cache à l'autre. Les attentats au nom de chaque camp se succèdent. Les arrestations augmentent, tout comme la liste des disparus et des torturés. Semaine après semaine, l'escalade dans cette double terreur coloniale et révolutionnaire se poursuit. On tue en réponse à tel ou tel assassinat, et ainsi de suite. L'engrenage. L'armée, comme la police et la justice, laissent faire. Pire, elles accompagnent les faits, parfois. En décembre 1956, lors des funérailles d'un maire, Amédée Froget, les rues d'Alger sont le théâtre d'insoutenables scènes de ratelade, dont la radio française cache à peine les faits. C'est en passant place du gouvernement, où sont installées quelques automitrailleuses, que la colère de la foule éclate. Les jeunes gens bousculent un kiosque à tabac et tentent de distribuer des cartouches de cigarettes aux soldats. Des magasins musulmans disposés en plein vent sont saccagés. Les chaises des cafés morts sont brisées. Un véhicule qui transportait des musulmans est renversé. Quelques passants sont malmenés plus ou moins gravement. Et des coups de feu éclatent ça et là. Un peu plus loin, sur la route de Saint-Eugène, un nouvel incident met la foule aux prises avec un musulman et quelques rafales de mitraillettes, vraisemblablement tirées en l'air par les soldats et d'une caserne toute proche, contribuent à l'énervement général. Peut s'habituer à tout, même à la violence. Pour les historiens, ces funérailles constituent le quatrième acte qui va précipiter l'Algérie et le conflit dans une nouvelle étape, la fameuse bataille d'Alger. Presque un an après les événements de la journée des tomates du 6 février 1957, la situation en Algérie n'est toujours pas sous contrôle. Pire, le conflit est entré dans les villes, dont Alger. C'est dans ce contexte que le gouvernement de Guy Mollet décide l'envoi dès janvier 1957 des paras à Alger sous le commandement du général Massu. Le 7 janvier, il défile acclamé et applaudi par les Européens. La mission de Massu et de ses hommes est de faire tomber le réseau FLN d'Alger dont ils n'ont qu'un nom, Larbi Ben Midi, l'un des fondateurs du Front de Libération Nationale. Mais de ces subalternes, ces soldats en quelque sorte, ils ne savent pas grand-chose. Alors, pour y remédier, Massu obtient une délégation spéciale des pouvoirs de police. Ça veut dire contrôle de la circulation, assignation à résidence, perquisition de jour comme de nuit. Durant ces mois, l'état de droit laisse place au droit de l'État. La République oublie ses principes. La bataille d'Alger est en réalité une histoire de police. Les parents ne sautent pas sur le champ de bataille, non. Ils quadrillent, tapissent, raflent, interrogent, torturent, assassinent. Comme le racontera des années plus tard Paul Teijen, secrétaire général de la préfecture d'Alger, chargé de la police, justement. Lorsque vous arrêterez quelqu'un, vous avez raison. Parce que vous avez les pouvoirs de police. Bien. Sauf celui-là, vous me donnerez tous les matins le nom des gens que vous avez arrêtés. Vous les assignerez à résidence chez vous, dans le quartier militaire où ils étaient. Et vous me les rendrez à la sortie. Ils ne me les ont pas tous rendus. On a signé 24 000 sous mon nom, sans aucun pouvoir. 24 000. Il en manque 4 000. Où sont-ils? Dans les camps, à Podkazel, même pas. Je suis allé à Podkazel pour voir, ils n'y étaient pas. Ils ont disparu. Les ouèdes, la mère, les renvoyés. Renvoyés les crevettes bijards, comme ça qu'on appelait les hommes. on mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne veut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Malgré le travail de sable des paras, les attentats du FLN se poursuivent contre le marchand d'armes automatiques, le bar, le cocardi, la cafétéria, le stade Elbiar. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses, dont la grève générale lancée le 28 janvier afin de mettre la pression sur les discussions ouvertes à l'ONU concernant la question algérienne. Fin février, l'armée présente à la presse son premier trophée, l'Arbi Ben Midi. Dans les brûlures de l'histoire, produit par Cuve, l'ancien para Jacques Allaire évoque le souvenir de cet homme, combattant comme lui. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, « Un autre prendra ma place. » Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ceci d'une manière sereine, pas ostentatoire. C'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher. Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qui s'était suicidé dans sa cellule. Suicidé dans sa cellule, le 14 mars 1957, en effet. Les autorités françaises annoncent ainsi la mort de l'Arbi Ben Midi. Patrick Rodman, le réalisateur, demande alors à Jacques Allaire s'il a cru à cette annonce. Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Mais j'ai peut-être une petite idée sur la manière dont il est mort. Il est parti. Des décennies plus tard, le général Ossarès parle dans ses mémoires de l'exécution par pendaison du leader nationaliste. Nuance. Moins d'un mois après l'annonce de la mort de Ben Midi, c'est Jamila qui est arrêtée. Le 9 avril, Yosef Saadi, habillé en femme, est repéré par des soldats. Une fusillade s'ensuit. Saadi raconte la suite à Yves Boisset en 2006. Jamila Bouyared, elle a couru pour nous rattraper. Et les autres, halte, halte. J'ai tiré. J'ai tiré sur eux. Et en même temps, la balle a touché. Et c'est moi qui ai touché Jamila Bouyared. C'est un accident. L'omoplate brisée par une balle, Jamila est capturée. À 22 ans, elle devient une prisonnière qui bientôt va faire la une dans le monde entier. J'ouvrirai la porte de mon jardin d'été pour que les enfants sortent par une belle journée. Je chante pour toi. Les oiseaux planeront plus haut que les fusils, au-dessus des frontières, au-dessus des collines. Thank you. Fabrice Drouel. 23 avril 1957. Note de recherche. Personne arrêtée. Demande de recherche transmise au commandement militaire. Nom, Bouhired. Prénom, Jamila. Observation, blessée dans la Casbah le 9 avril, dirigée à l'hôpital Maillot, d'où elle a été extraite le 17 avril par les parachutistes. En cas de découverte, prévenir Maître Vergès, hôtel Aleti, Alger. Contacté par Zora Driff, Jacques Vergès n'est pas encore un avocat connu. Militant communiste et anticolonialiste de 32 ans, fils d'une mère vietnamienne, il comprend la violence des dominés, la soutient même. Chaque jour, il tente de savoir où est sa cliente. Le 26 avril 57, il la retrouve enfin. Il découvre alors une jeune femme de 22 ans, blessée, torturée, mais pas brisée. Il trouve les mots, elle trouve la force. Ensemble, ils décident de déposer plainte contre les militaires. Dans cette déposition, Jamila raconte ce qu'elle a vécu. J'ai été du 9 au 26 avril sans interruption, interrogée et torturée à l'hôpital militaire Maillot et dans les deux villas où les parachutistes m'ont séquestrée. Trois jours durant, les 17, 18, 19 avril, j'ai subi le supplice de l'électricité. Des électrodes m'ont été placées dans le sexe, les narines, les oreilles, la bouche, sous les aisselles, sur le bout de mes seins qui sont encore brûlés, sur mes cuisses qui portent encore des marques. La première séance, dans la nuit du 17 au 18 avril, a duré de 21h à 3h du matin, jusqu'à ce que je m'évanouisse et délire. Ceux qui m'ont torturé n'avaient pas le droit d'humilier l'être humain comme ils l'ont fait, physiquement sur ma personne et moralement sur eux-mêmes. Le 11 juillet 1957, le procès des bombes, comme le titre la presse, s'ouvre. Jamila Bouhired n'est pas seule sur le banc des accusés. À ses côtés, il y a deux hommes et une femme. Jamila Bouhaza, elle aussi accusée d'avoir posé une bombe. De nombreux journalistes métropolitains sont présents. Car des femmes en armes, cela étonne et cela détonne, encore plus quand elles sont accusées de terrorisme. Résistance, répond-elle. Nuance. La bataille des mots est bien l'un des enjeux du procès et donc de la guerre. Et c'est sur ce terrain précis que Jacques Vergès décide de mener l'offensive. « Défense de la rupture », appelle-t-il sa méthode, qu'il résume ainsi dans le documentaire de Barbet Schroeder. « Le juge dira « Vous êtes français » et l'accusé dira « Je suis algérien ». Le juge dira « Vous êtes membre d'une association de malfaiteurs ». L'accusé dira « Je suis membre d'une association, d'une organisation de résistance ». Le juge lui dira « Vous avez commis un assassinat. » Il dira « J'ai exécuté un traître ». À partir de ce moment-là, il est évident qu'aucun dialogue n'est possible. La stratégie de défense de Vergès ici n'est pas d'évoquer les faits, mais de faire reconnaître aux accusés le titre de combattant et donc d'affirmer la particularité du contexte. Son souhait est d'amener la guerre, ses tortures, sa justice d'exception à l'intérieur du prétoire. Après trois jours d'un procès impossible, succession de suspensions de séances, de heures à l'intérieur, comme à l'extérieur, les débats sont sur le point de se clore. Et juste avant, Jamila Bouhired déclare « Messieurs, je sais que vous allez me condamner à mort, car ceux que vous servez ont soif de sang. La vérité est que j'aime mon pays, que je veux le voir libre, et que pour cela, j'approuve la lutte du Front de Libération Nationale. Et c'est seulement pour cela que vous allez me condamner à mort, après m'avoir torturé, comme vous avez tué mes frères, Benem Idi, Boumengel, et Zedour. En nous tuant, n'oubliez pas que ce sont les traditions de liberté de votre pays que vous assassinez, son honneur que vous compromettez, son avenir que vous mettez en danger, et que vous n'empêcherez pas l'Algérie d'être indépendante. Inch'Allah. » Le 15 juillet, Jamila Bouhired est effectivement condamnée à mort. À l'annonce du verdict, elle rit. Estomaqué, le président lui lance « Ne riez pas, mademoiselle, c'est grave. » Bien sûr, mais mourir pour ses idées, elle s'y était faite. Ce n'est pas une question d'âge ou de genre, c'est une question d'histoire, de résistance. Après le verdict, Jamila est emmenée dans la prison de Barberousse au sein du quartier des condamnés à mort. « Non, le verdict n'est pas une surprise. Jacques Vergès, comme les membres du FLN, s'y étaient préparés. Mais afin d'éviter que tombe la guillotine, il lance une campagne pour obtenir la grâce. En France, cette campagne prend la forme d'un livre titré « Pour Djamila Bouhired », écrit par Jacques Vergès et Georges Arnaud, l'auteur du « Salaire de la peur ». L'objectif de l'ouvrage est de médiatiser l'histoire de Djamila, d'évoquer son parcours, son combat, ainsi que les méfaits de l'armée et de la justice en Algérie. Et le succès est au rendez-vous. De nombreux auteurs, journalistes et militants de tous bords réagissent. De François au Figaro, de l'Humanité au Dimanche Matin, on retrouve ainsi de nombreuses tribunes soutenant l'idée de la grâce. Le 12 novembre, le militant chrétien André Frossard écrit dans l'Aurore « On aimerait que tout cela ne fût que le produit de la haine, de l'esprit de parti, de l'imagination polémique. Mais hélas, les rapports médicaux, l'accent de la plainte, la tournure des débats et la brochure que M. Georges Arnaud et Maître Jacques Vergès viennent de publier ne laissent guère de place au doute. Une jeune musulmane de 20 ans, agent de liaison du FLN, a été abominablement torturée avant de comparaître devant le tribunal des forces armées. De telles pratiques enracinent la haine chez ceux que l'on a mission non de vaincre, mais de pacifier. Elles rendent impossible l'exercice normal de la justice, que celle-ci tienne ou ne tienne pas compte des plaintes de ses accusés. Elles font le jeu du terrorisme, fournissent des armes à nos adversaires et troublent l'opinion française. Elles font une brèche de plus entre deux communautés dont on espère qu'elles retrouveront le moyen de vivre ensemble et en paix. Bien que Djamila Bouhired ait pris rang parmi des adversaires dont la réputation de cruauté n'est plus à faire, on souhaite qu'une mesure de grâce vienne dans la prison où elle attend depuis 6 mois d'être fixée sur son sort, lui réapprendre la douceur du nom français. Le sort de Djamila Bouhired fait également la une à l'étranger. Si l'armée a gagné la bataille d'Alger, avec notamment l'arrestation de Yassef Saadi en septembre 57, le FLN gagne durant le printemps 58 celle de la diplomatie. Soutenu et produit par l'Égypte, un film intitulé Djamila, réalisé par Youssef Chahine, sort sur les écrans. Son succès immédiat, notamment dans les pays arabes, est à l'origine de nombreuses manifestations devant les ambassades françaises. Dans le même temps, des pays alliés de la France interrogent, à haute voix qui plus est, sur la situation en Algérie. En février 58, un groupe de 76 députés travaillistes anglais adresse une lettre à René Coty afin qu'il réagisse aux conditions d'arrestation, d'interrogation et de jugement de Djamila. Le 8 mars, le secrétaire général des Nations Unies déclare que le dossier est étudié. Le même jour, c'est le président du Présidium du Soviet Suprême qui demande à René Coty, le président de la République française, de sauver la vie de Djamila. Quelques jours plus tard, la peine de mort est commuée en une peine de travaux forcés à perpétuité. 2 mois plus tard, la 4e République chute. Les militaires reprennent la main et appellent le général de Gaulle au pouvoir. La guerre se poursuit encore 4 ans. Référendum, autodétermination, OAS, putsch, attentat, indépendance, paix. Djamila Bouhired suit tout cela à distance, en prison, à Alger, puis à Marseille, où elle assiste à la fin du conflit. C'est donc en France qu'elle apprend la signature des accords d'Évian. Elle est libérée comme l'ensemble des prisonniers. Le 5 juillet 1962, le jour de l'indépendance, Djamila Bouhired doit être à Alger. Après avoir été l'une des figures de l'émancipation algérienne, elle devient tant l'une des voix de la révolution à l'étranger. Pendant plusieurs mois, Djamila parcourt ainsi le monde pour faire la promotion de l'Algérie indépendante. Elle est présente au Caire, au Koweït ou encore à Pékin. Mais ses tournées ne durent qu'un temps. Aux combattantes de l'indépendance, la République algérienne laisse peu de place. On les efface même peu à peu. On les rend presque invisibles. Djamila se marie avec Jacques Vergès, son avocat, lors du procès de 57. 2 enfants naissent, les années passent, les régimes aussi. La révolution s'éteint, l'amour aussi. En 70, en effet, Jacques Vergès quitte Djamila du jour au lendemain, sans explication. Les années qui suivent, on sait peu de choses. En France, en tout cas. À la radio comme à la télé, la parole de Djamila Bouhired est inexistante. Aucune interview, aucun témoignage. jusqu'à sa réapparition sur les réseaux sociaux et dans la presse le 1er mars dernier. Depuis ce jour, Jamila Bouyred est dans les rues. Le 14 mars, dans une longue lettre à la jeunesse algérienne, elle écrit « Notre génération a été trahie. Elle n'a pas su préserver son combat contre le coup de force des opportunistes, des usurpateurs et des maquisards de la 25e heure qui ont pris le pays en otage depuis 1962. Malgré la colère du peuple qui l'a rejeté, leur dernier représentant s'accroche encore au pouvoir, dans l'illégalité, le déshonneur et l'indignité. Ne laissez pas ces agents, camouflés dans des habits révolutionnaires, prendre le contrôle de votre mouvement de libération. Ne les laissez pas pervertir la noblesse de votre combat. Ne les laissez pas voler votre victoire. » En Algérie depuis deux mois, une nouvelle bataille pour la liberté s'est ouverte. Et de nouveau, Jamila Bouyred en est une figure. برا برا نفست الحزن ما بقى امان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشفوا الميدان هلك الاوراق برا برا النجوم تفرد تلقت الشمس برا برا نشفوا الميدان هلك الاوراق برا برا النجوم تفاد تركت الشمس برا برا Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Jamila Bouyred, notre invitée. Rania Moufok, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Alger, vous m'entendez bien? Apparemment, oui. Oui, moi je vous entends bien, et vous? Bien, mais très bien. Dites-moi, d'abord, je vous appelais Rania Moufok, c'est Rania Moufok, pardonnez-moi. C'est pas grave, on a l'habitude. Le GH chez les bon. Maghrébins se lit R. Bien, pareil pour Samia Lardari, que j'ai même pas réussi à prononcer tout à l'heure, c'est bien Lardari. Non, mais il faut respecter les noms, c'est pour ça que je vous demande ça. Oui, c'est Lardari. Parfait, bien. Alors, je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste indépendante, auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Être journaliste en Algérie de 1988 à 1995 ». Et vous êtes donc en direct avec nous par téléphone de la ville d'Alger. Avant d'aborder l'histoire de Jamila Bouyred durant la guerre d'indépendance, puis après 1962, une question toute simple. Qu'est-ce que représente Jamila Bouyred pour vous ? Alors, pour moi, Jamil Abouhayrat, comme pour la majorité du peuple algérien, c'est le visage de la révolution. Elle incarne la fidélité, vous savez, au serment de la libération, la fidélité à ceux qui sont morts pour que l'Algérie indépendante naisse, un pays, une nation. Et ces morts, elle n'est jamais vraiment parvenue à en faire le deuil. Elle porte actuellement toujours leur deuil. Elle incarne cette fidélité, c'est quelque chose de très fort dans un pays où le concept de traîtrise, qui est un peu un héritage de la guerre de libération nationale, est très fort. Vous savez, sa couleur préférée, par exemple, c'est le blanc. Le blanc, en algéroise, fille de la Casbah, est synonyme de deuil. Ce blanc, elle le porte parfois avec un tchangaï, comme les dockers, un tchangaï blanc, comme les dockers de la Casbah. Et c'est en ça que cette femme est une femme à part. C'est une femme assez spéciale. On la présente souvent comme une espèce de jeune fille romantique qui aurait fait... Non, c'est une révolutionnaire radicale. Et pour moi, en tant que femme, par-delà l'icône qu'elle incarne, comment devient-on une icône ? Ça, c'est une autre histoire. Mais par-delà l'icône qu'elle incarne, ce qui me touche profondément et me fait dire à quel point c'est une révolutionnaire radicale, c'est qu'à l'indépendance, après 62, en 65, alors qu'elle est l'icône de l'ensemble du monde arabe et musulman, et également dans d'autres pays, elle fait un choix révolutionnaire, anticonformiste. Elle épouse Jacques Vergès. Oui, on l'a raconté, absolument. Un chinois. Mmh. Et par là, elle casse un tabou et elle dit des choses fortes, révolutionnaires, sur sa liberté et sur son universalisme. Oui. En épousant un homme qui appartient à la tribu décolonisée et contre ses frères du reste du monde arabe et musulman, qui d'ailleurs le vivront assez mal. C'est une femme exceptionnelle. Est-elle citée à l'école dans les cours d'histoire ? Alors vous savez, il y a des destins qui n'ont pas besoin de cours d'histoire. Et qui s'inscrivent en dehors des cours d'histoire et de la version officielle. Jamila Bouhayrat n'a pas besoin d'être dans les livres d'histoire. Elle participe de la mémoire. D'abord parce qu'elle est elle-même. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont elle s'est comportée dans son procès. J'insiste vraiment parce que on parle souvent de ces femmes qui vont s'engager dans la guerre de libération comme si elles n'étaient que des objets auxquels on aurait assigné des tâches. Elles ont été des acteurs et Jamila Bouhayrat a été une actrice forte comme Zohra de la guerre d'ailleurs. De libération nationale et pas simplement de la bataille d'Alger, parce que pour nous, vu d'Algérie, c'est pas une bataille, c'est un moment de la guerre, un moment terrible. Et quand elle arrive devant ceux qui vont la juger, après avoir été blessée, vous avez rappelé qu'à un moment, elle éclate de rire. En fait, ce rire, c'est déjà la rupture, avant même que Jacques Vergès le formule en face d'une stratégie de défense. Ces gens-là qui prennent les armes, et dont ces femmes, sont déjà dans la rupture par les armes. Et ce rire, en fait, c'est aussi ça qui invente les légendes. Ce rire, en fait, transforme ce moment qui est tragique pour elle en un moment de farce. Ne reconnaissant pas à ses juges, elle refuse de participer à la farce et à ce moment-là, elle éclate de rire. Et elle est pleine de gestes pareils qui, tout le temps, avec Jamila Bouhayrat, les choses ne sont jamais banales. C'est un rire ça qui fait qu'elle est assez exceptionnelle. C'est un rire de résistance, en l'occurrence. C'est pire qu'un rire de résistance. C'est un rire qui transforme cet espace. Elle est toute petite, elle est blessée. En plus, c'est une femme, elle a 22 ans à peine. Et ils sont face à la justice coloniale, avec tout son décorum, l'armée. La France est la quatrième puissance du monde. Et elle transforme ce moment par ce rire... Elle est ridiculise. Vous n'avez pas le droit. Je ne vous reconnais pas le droit de vous juger. Vous participez d'une farce. Et moi, je joue un autre rôle. Je suis pas dans la farce. Que sait-on des raisons de son engagement ? Alors, les raisons de son engagement, là aussi, je vais insister. Je voudrais juste faire une petite rectification d'histoire. Mmh. On dit souvent que Jamila Bouhered va participer en 1956 en tant qu'étudiante lors de la grève des étudiants à la guerre de libération nationale. Non, Jamila Bouhered n'était pas étudiante. Elle est déjà en 56, elle est déjà engagée au sein du FLN. Elle n'était pas étudiante, elle avait choisi d'être couturière parce qu'elle avait des mains très talentueuses et elle voulait faire de la couture et de la haute couture. L'engagement de Jamila Bouhered renvoie un peu à sa famille. Elle est la fille d'une... Sa mère est d'origine tunisienne, d'une grande famille tunisienne, d'une famille de mystiques qui est portée par la foi et qui vit le colonialisme comme quelque chose qui dépossède de l'identité, qui dépossède de la foi par le déni de l'identité algérienne. Mmh. Et donc cette mère va lui transmettre le désir de chasser l'occupant par le biais de la foi, de la religion, et d'une religion mystique et très forte. Son père, en revanche, est un homme de la Casbah. Elle n'appartient pas à une famille de pauvres. C'est plutôt au sein de la Casbah, c'est une citadinité aisée. Son père est un rentier. C'est un espèce de, qui lui se frotte, en revanche, avec les pieds noirs, les Français, etc. Et qui va lui apprendre à être une famille... Ça veut dire... Pardon de vous couper, Rania. Ça veut dire qu'elle vient d'une famille politisée, d'une famille où on débat déjà, d'une famille où on a une conscience politique. Je vous dis d'abord par sa mère, politisée, ses oncles. Mm. Ses oncles sont tous des militants. Elle vit dans la Casbah, qui est le cœur des résistances, d'abord avec le PPA, etc. Et ses oncles sont des militants. Donc c'est par son origine sociale, le lieu géographique où elle habite et l'histoire de sa famille et du quartier qu'elle habite, qui est un quartier de résistance, qu'elle va presque comme une évidence rejoindre les rangs du FLN avant même 56. Rania Fock, on va en continuer de parler de Jamila Bouhered, bien sûr, mais on va écouter sa voix. Hein, c'est important. On n'a pas beaucoup. Elle est rare, exactement. On n'a pas beaucoup d'archives. Eh bien, on va écouter celle-là. Donc, on va écouter Jamila Bouhered. C'est assez court, mais le son est assez bon. L'angoisse était très grande. Il y avait aussi une peur. Mais nous l'assumions parce que nous savions pour quelles raisons nous étions là. Nous étions convaincus de ce que nous avons fait. Nous préparions même notre déclaration que nous allions réciter devant la guillotine. Que l'Algérie libre vivra, Inch'Allah. Voilà, donc, elle est donc condamnée à mort, sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité, et puis elle est libérée en 62. Qu'est-ce qu'on de sa vie en prison entre 57 et 62? Alors, elle est à la prison de Serkadji, que vous appelez Barberousse, et à ce moment-là, elle est avec ce qu'elles appellent entre elles les Moudjahidettes. Elle est enfermée avec ses sœurs, il y a parmi elles des militantes nationalistes, des militantes communistes, etc. Et elle sait ce qui l'attend. Puis après, quand elle est graciée, elle quitte la prison de Barberousse pour aller et elle va en France, à Marseille, dans une prison en France. Mmh. Et puis elle est libérée avec les accords d'Évian en 62. Et quelle est sa vie après 62? Parce que on arrive à un point important. C'est-à-dire que c'est effectivement, on l'a dit, un personnage important, une conscience politique faite femme. Et puis c'est comme si, vu qu'on l'entend, elle décide de pas être sur la place publique. Mais on sait aussi que finalement c'est une révolution confisquée, finalement cette révolution, cette guerre d'indépendance. C'est que les voix et les grandes voix et les grands visages n'ont pas forcément de l'espace pour en Algérie pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a de cela? Est-ce que on rend invisibles certaines figures, ou est-ce que Jamila Bouhered ne veut pas parler? Écoutez, vous savez, en Algérie, le problème, c'est que ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui savent pas parlent beaucoup. Jamila Bouhered, contrairement à ce qui se raconte, a toujours été présente. On lui a proposé en 62 d'être à l'Assemblée nationale, ce qu'elle a refusé, parce qu'elle considérait que n'étant pas élue, elle ne voulait pas être désignée par le FLN. Elle aurait dit d'ailleurs avec une certaine ironie à Ben Bella qui lui proposait d'être députée, mais je croyais que pour être députée, il fallait être élue par le peuple. Ensuite, elle va pas du tout disparaître. Et c'est en prison qu'elle prend la décision de ne pas faire de politique, mais de s'engager pour les enfants de Chaïd. Pour les enfants de ceux qui sont morts et pour leurs femmes, pour que l'Algérie soit indépendante. On ne peut pas comprendre Jamila Bouhairet si on ne comprend pas à quel point le martyre de tous ces gens, hommes et femmes, qu'elle a connus au plus près, des gens comme Ben Midi, des gens comme Hassiba Ben Wali, des gens comme Ali Lapointe, etc., à quel point ils sont présents et à quel point ils l'envahissent et avec, envers lesquels elle considère souvent après ce qui c'est la manière dont a été gérée l'indépendance, qu'elle aurait presque une dette envers eux. Donc elle va fonder à l'indépendance une association qui s'appelle Jil El Jadid, pour la nouvelle génération. Et elle va s'investir pour ses enfants de Chaïd et tout. Elle va ramasser de l'argent, elle va utiliser son nom, etc. pour venir en aide à ces gens. Malheureusement, l'affaire très vite après la manière dont l'Algérie va être gérée, etc. L'association va mourir comme les choses révolutionnaires peuvent mourir au cours du temps. Mais en même temps, elle va toujours continuer à se battre. J'ai moi-même manifesté avec elle bien avant qu'il y ait toutes ces manifestations. Vous savez, il y a des gens pour lesquels tout ce qui n'est pas médiatisé n'existe pas. Il y a une espèce de fascination pour la médiatisation. Mais Jamila Bouhairet a toujours été là. Les enfants de Chaïd peuvent en témoigner, les femmes de Chaïd. Et j'ai moi-même manifesté, par exemple, avec des gens qui se battaient pour pas qu'on détruise leur maison, etc. Elle a manifesté également pour les femmes contre le code de la famille. Contrairement à ce que dit le féminisme mondain algérois, elle était là. En revanche, il est vrai qu'elle n'est pas à l'aise dans ce milieu pseudo-militant. Elle est trop seule et exigeante. Vous savez, Rania, une icône, c'est quelque chose qui pèse très lourd. C'est une prison qui vous condamne au silence. Ce que vit cette femme est très très lourd. Et tout le monde parle à sa place et tout le monde raconte sa vie. Et elle a cette force, elle refuse de c'est un choix qu'elle a fait. Et c'est sans doute aussi son rôle d'icône qui l'empêche peut-être de dire la banalité du monde. Non, parce que si on raconte sa vie, c'est que sa vie était importante, et c'est aussi pour ça qu'on la raconte après. Non, tout à fait. Mais après, j'entends bien. Oui, j'entends bien. Qui circulent, oui. Toutes les fausses informations. Mais ça veut dire que elle se sent, elle ne veut pas être dans l'image du mythe, c'est ça en fait. Elle continue le combat, mais elle est enfermée si on la mythifie, c'est ça? Non, si vous voulez. Vous savez, on ne choisit pas de devenir icône, on le devient. Elle est devenue par vous savez, des films, Youssef Chahine, les Fayrouz, la chanteuse, la célèbre chanteuse libanaise, Nezar El Qabbani, les plus grandes artistes du monde arabe en tout cas l'ont chantée. Donc elle est devenue une icône. Elle n'a rien fait pour le devenir. Mais quand vous devenez une icône, quelque part ça vous en mur, ça vous enferme. Ben non, c'est ça. Vous n'avez pas la même liberté pour parler. Mais en même temps, comme elle a une grande distance sur elle-même, vous savez l'écouter parler, et moi je lui ai demandé 1000 fois d'accepter de témoigner. Et quand vous l'entendez parler, c'est une comédienne et une tragédienne. Vous pleurez et vous riez. Elle a un art pour raconter tout ça, donc elle a la distance suffisante pour ne pas se laisser enfermer, mais en même temps, politiquement et publiquement, elle est enfermée dans ce rôle d'icône. Revenons à la situation actuelle alors. La présence de Jamila Bouhairet lors des manifestations qui ont débuté en février dernier a été un événement, je suppose. Comment ça a été ressenti, là, pour le coup, chez vous, en Algérie? Écoutez, moi, je vous dirais, justement, pour moi, ça n'a pas été un événement, ou comme qu'elle, c'est pas comme si Jamila Bouhelet, pendant, de 62 à 2019, elle n'avait pas existé. Oui, bien sûr. Elle a toujours existé, elle a fait des lettres contre Bouteflika et compagnie. Donc, ça, elle était à sa place. Elle-même, elle dit, j'ai été, parce que ces gens, je les aime. Elle a été voir accompagner un mouvement des gens qu'elle aime. Maintenant, ce qui est fascinant, en effet, c'est la manière dont ces marches, qui sont un moment d'histoire, se sont emparées de cette icône. Vous savez, les gens défilent avec ses portraits, etc. D'abord pour célébrer la fidélité face aux traîtres, entre guillemets, qui sont combattus et qui auraient trahi. Mmh. Ensuite, pour témoigner de la continuité des résistances à toutes les formes d'oppression. Oui. Et également pour honorer les morts. Parce qu'on estime en Algérie que tous ces gens qui se sont sacrifiés n'ont pas été honorés dans la mesure où ils auraient dû l'être. Exactement. Y compris oui. Une femme comme Jamila Bouhelet. C'est le message aussi porté par Jamila. Ce sera le mot de la fin, Rania Moufak, le temps passe vite, on a plein de choses à se dire et ça passe très vite. En tout cas, oui, merci. Merci infiniment pour votre témoignage. Vous étiez en direct d'Alger. Au revoir. C'est Affaires Sensibles, aujourd'hui Jamila Bouhelet, d'une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter également pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jean Bulot et Adrien Mora, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, reportage Anaël Verzo, lecture Cécile Ribaud Cayol, réalisation Hélène Bizio et Benjamin Riquet. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Guérivi.